ba emisinga ina luka mwasi ba balelangai na ponia anta lokola na dingiyo pesanga lopako anta tolanda senzela ya la vie losito koli vie tokanisa venir na biso anta sheri na koya kokanga lopango lobi na baboti pesanga likanisi na yo libela pote na yebao. Lembi anta la via moyu baninga nanga ya bomwana nyoso basi babala baboti pe bana bana pe bakoli nalinga se kosala la vika si pete na ngweza lite nalingise na bala na banda serieux anta sheri na koya kokanga lopango lobi na baboti pesanga likanisi na yo libela pote na yebao anta mamae anta lei beti ngai na lembi anta la via moyo basi babala baboti pe bana bana pe bakoli nalinga se kosala la vika si pete na ngweza nite nalingise na bala na banda serie anta sheri na koya kokanga lopango lobi na baboti pesanga likanisi na yo libela pote na yebao. Mama Yele, Mama Yele, Mama Yele, Mama Yele, Mama Yele. Guzmán. Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Bon, ne quittez pas la piste, ne quittez pas la piste. Oh chérie à moi. zambaneke. Oh mama e, ikanga ina rukambongo na bala yo, tozonga mboka e zambaneke. Oh mama e, ikanga ina rukambongo na bala yo, tozonga mboka e zambaneke. Oh mama e, ikanga ina rukambongo na bala yo, tozonga mboka e zambaneke. Balongoli e, lokolo moko e. Balongoli e, mopanzi moko e. Balongoli e, mosapi moko e. Ae, ae, yona ye, yona ye, suka teli wae. Ae, ae, toi et moi, toi et moi, la fin c'est la mort. Embo lendo. Beaucoup, chouchou, j'ai porté la ferro, tu vois en bas. tu m'as tourné la tête. Tu vois en bas, j'ai oublié l'école, j'ai fui la maison. Tu vois comment je souffre à cause de toi là-haut, chérie en bas. Oh maman, chérie en bas. Aladi baba, aladi baba, maman. Le katem bongo, maman. Chérie en bas. Estronye. Asombele. Le cœur d'enfant de quelqu'un, au moyen le meilleur, ça commence à compliquer les choses. Écoute-moi en bas, j'appelle les ancêtres. Pour faire les cris, cris, les petits, je m'a demandé de laver le corps avec le vin de palme, trois noix de colaille, avec trois bougies, pour retourner ma chance. Chérie en bas, yeah, yeah, oh maman. Chérie en bas, oh moi n'a dit de, moi n'a dit de, maman. Aladi baba, aladi baba, mama, chérie amba. Moi je commence à comprendre, comprendre toi, chérie amba. Moi je commence à comprendre, manœuvre à toi, chérie amba. Parce que mon rival a beaucoup d'argent. Il a acheté des parcelles, il a construit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étages. Aladi baba, aladi baba, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étages. Kiamangana, kiamangana, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étages. Tabouleyo, tabouleyo, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étages. Lombo makiadi, lombo makiadi, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étages. Il a construit trois étages. Oh, Marie-Paul. Embrassez-moi, chérie Ambaye. Embrassez-moi, chérie Ambaye. Oh, chérie Ambaye. Il m'a levé à cause de l'argent. À cause de l'argent. J'aimais d'avoir jalousie à côté. Oh, oh chérie Ambaye. Je n'ai pas compte à banque, mon rival n'est pas de moyens. Oh. Il a acheté trois parcelles, oh. Oh, trois parcelles. Oh. Il a construit trois étages. Oh. Oh. Mon rival, oh. Reviens, reviens, chérie en bas. Oh. Reviens, reviens, chérie en bas. Oh. Il m'a enlevé ton compte de l'argent. Eh. J'aimais d'abord jalousie à côté. Oh. Oh. Chérie en bas. Eh. Mon rival a trop d'argent. Il a acheté trois parcelles. Oh, trois parcelles. Il a construit trois étages. Oh, mon rival. Embrassez-moi, chérie Ambaye. Embrassez-moi, chérie Ambaye. Oh, chérie Ambaye. Il m'a enlevé à cause de l'argent. À cause de l'argent. J'aimais d'abord jalousie à côté. Oh, oh chérie Ambaye. Thank you. lengo lengo. Isi Manseko. Amba sidi la zae, amba landi bongo e. Ala di baba porto novo e, amba sidi la zae. Ala di baba koto no e, amba landi bongo e. Ala di baba ozaire, amba sidi la zae. Ala di baba abiza e, amba landi bongo e. Ala di baba onigeria e, amba sidi la zae. Ala di baba ayamde o, amba landi bongo e. Ala di baba e alombe o, amba sidi la zae. Amba landi bongo e, amba landi bongo e. Yomoko sabula, yomoko sabula bango e, yomoko sabula. Vous m'aimez juge bango e, yomoko sabula. Vous m'aimez juge bango e. wapi oh samadue soki ezala kibolingo ya zeke na yeba oh samadue soki ezala kibolingo ya kamele yo na yeba oh samadue l'amour en transit ezali bolingo ya tango mokeo mama samadue c'est pas possible tango na nwe okakite o Samadue, pokati bolingo na kati fasi, bosundolinga na mokumba monene na motema. Oh, Samadue, ngaiko mwana bato na kosuka wapi? Oh, Samadue. Samadu mama, Bongola ya yomote madie. Elle est une nongana comme mama e, bongola ya yo motema diye.